Que se passe-t-il vraiment dans la tête d'un handicapé profond ? Amour ? Haine ? Prémonition ? Mystère au fond d'un autre mystère sans doute jamais élucidé. Au cimetière d'Antérieux, on vient de procéder à la mise en terre d'un modeste cercueil. La famille, les intimes se dispersent avec des mines de circonstances. On entend une femme qui murmure à l'oreille d'une autre. Mourir si jeune, ce n'est pas juste. Un groupe d'enfants et d'adolescents, dont certains pleurent à chaudes larmes, se dirige vers un autobus qui attend sur la route nationale. Celle qu'on vient d'enterrer se nommait Stéphanie Desbarieux, une toute jeune fille gracieuse, sportive et pleine d'énergie. Tout le monde la connaissait dans le village et on la voyait souvent passer avec ses élèves. En fait, les élèves de Stéphanie sont d'un genre un peu particulier. Ce sont les pensionnaires du château d'Antérieux. Le château est dirigé par le docteur Matouret et les pensionnaires sont tous des enfants à problèmes psychologiques. Certains ont le visage caractéristique de ceux que l'on nomme les Mongoliens, d'autres, sous une allure plus banale, cachent des problèmes affectifs ou psychologiques. D'autres encore sont agités de mouvements nerveux et convulsifs. Stéphanie, depuis des années, vit chez ses parents dans le village et depuis longtemps, elle se sent émue par ce groupe de jeunes. Et un jour, elle dit à sa mère « Maman, dès que j'aurai mon bac, je viendrai travailler au château. » Sa mère reste muette d'étonnement. Et puis elle s'exclame « Mais Stéphanie, tu es si jeune, tu n'as aucune expérience. » « L'expérience viendra avec le temps, maman. Et puis rends-toi compte, si je travaille ici au château, je serai près de vous. Nous nous verrons pratiquement tous les jours. » Après avoir obtenu son baccalauréat, Stéphanie s'inscrit dans une école d'infirmière et obtient ensuite un diplôme d'éducatrice spécialisée. Il y a longtemps qu'elle a fait part de son projet au docteur Matouret, qui ne s'est pas gêné pour lui décrire ce qui l'attend. Ma petite Stéphanie, je suis ravi de votre besoin d'aider les autres et de votre projet de venir travailler dans notre équipe. Mais réfléchissez bien avant de vous décider. Ce n'est pas facile tous les jours. Il ne faut pas compter que les enfants soient automatiquement reconnaissants de tout ce que vous pourrez faire pour eux. Certains, même s'ils ont des excuses, sont déjà, malgré leur jeune âge, des durs à cuire, comme on dit. D'autres ont de tels blocages psychologiques qu'on ne peut prévoir dans combien d'années ils reviendront à une vie affective normale. Stéphanie écoute le médecin avec un petit sourire. « Vous savez, docteur, depuis des années, je vois les enfants du château, je leur parle. Je peux même dire que je me suis fait quelques amis parmi eux. » « Des amis ? Ne vous faites pas d'illusions, Stéphanie. Si vous venez travailler avec nous, vous aurez des surprises. Mais je ne veux pas vous faire un tableau trop sombre. » Tous les ans, certains des enfants nous quittent parce qu'ils n'ont plus besoin de notre aide. Cependant, d'autres atteignent l'âge adulte sans que nous ayons réussi à les libérer de leur prison intérieure. Certains deviennent violents. Il faut les diriger vers d'autres établissements plus spécialisés. Si vous vous attachez, vous souffrirez. Stéphanie écoute attentivement et d'un signe de tête, elle montre au docteur Matouret qu'elle a déjà tout prévu, tout envisagé. Je sais que cela sera difficile, mais pour l'instant, c'est comme une vocation. Un peu comme si j'avais décidé de me consacrer à Dieu. Le docteur Matouret sourit. Ah, quelle manière de voir les choses! Ici, nous essayons de donner ou de redonner le goût de vivre. Ce n'est pas un couvent. Quelques mois plus tard, Stéphanie s'intègre à l'équipe du docteur, à un niveau modeste. Elle a déjà fait plusieurs stages et s'est déjà familiarisée avec des enfants à problème. Stéphanie est jolie, simple, pleine d'idées. Le docteur Matouret est satisfait de sa nouvelle recrue. Quand on organise une sortie, tout se passe bien si Stéphanie fait partie des moniteurs. Elle a une qualité indescriptible qui calme les plus nerveux. Elle est toujours d'une humeur égale, jamais un mot plus haut que l'autre. J'espère que nous les garderons longtemps avec nous. Stéphanie, parmi tous ceux dont elle a plus ou moins la charge, s'est particulièrement attachée à Norbert. Ce garçon a plus de 20 ans et c'est un des plus vieux parmi les pensionnaires du château. Il est grand, mince, mais sa silhouette est flanquée et constamment agitée de mouvements convulsifs. Ses bras partent en l'air à tout moment. Ses jambes semblent soudain prises d'initiatives indépendantes et contradictoires. Quand Norbert essaie de marcher, il ressemble un peu à un polichinelle dont les fils seraient manipulés par un marionnettiste diabolique. Norbert a d'autre part des difficultés d'élocution énormes. Aucune phrase compréhensible ne sort de ses lèvres, à peine quelques sons identifiables. Alors Stéphanie voit là comme un défi. Et elle s'attarde peut-être un peu plus longuement avec Norbert pour essayer de le comprendre. Elle en parle à sa mère. Tu sais, j'ai eu une curieuse impression aujourd'hui avec Norbert, ce garçon qui a des problèmes énormes. Nous étions sortis pour une promenade et soudain, il a voulu faire quelques pas, mais il a glissé dans une flaque d'eau. Il est tombé en arrière et sa veste s'est accrochée sur un piquet planté là. Et le pauvre garçon est resté là, assis par terre, incapable de se relever. Il paniquait littéralement, il voulait dire quelque chose, mais les sons qui sortaient de sa bouche étaient pratiquement incompréhensibles. Alors bien sûr, s'il était agi de quelqu'un d'autre, ça aurait été comme un gag irrésistible. Mais en regardant Norbert grognant la bave aux lèvres, j'ai eu le cœur serré. Madame Desbarieux soupire. « Et pourquoi me racontes-tu ça, ma chérie ?»« Eh bien, maman, j'ai couru vers lui. J'ai tendu mes deux mains, je l'ai aidé à se relever. Et c'est alors que j'ai eu un choc énorme. Norbert, incapable de dire merci ou quoi que ce soit d'autre, m'a simplement regardé, regardé dans le blanc des yeux. Soudain, j'ai oublié tous ses problèmes, ses gestes désordonnés. Je n'ai plus vu que ses yeux. Il a de très beaux yeux, bleu-vert. Jusqu'à présent, je ne les avais jamais vraiment remarqués. Et alors, ma chérie ? Alors, je n'ai plus vu que ses deux yeux. Et il me disait merci avec une passion, une force, une intensité incroyable. Ses deux yeux me regardaient comme si Norbert n'avait plus aucun problème. J'ai cru que j'allais fondre en larmes. Ses deux yeux me disaient « Merci Stéphanie, tu sais, j'ai des problèmes, je chicote dans tous les sens, je n'ai aucune coordination, je n'arrive pratiquement pas à me faire comprendre, mais tout ça ne concerne que mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit sont intacts. » Stéphanie poursuit son récit. « Tu vois, maman, en regardant les yeux de Norbert, j'ai eu l'impression de voir deux oiseaux magnifiques enfermés dans une cage disloquée. » Madame Desbarieux soupire, « Ma pauvre Stéphanie, je crois que ton imagination te joue des tours. Cela va faire un an que tu travailles dans l'équipe du docteur Matouret. Tu dois avoir besoin de repos. Je crois qu'il ne faut pas que tu t'attaches trop à l'un de ces adolescents. Tu risques de souffrir quand il partira. Parce qu'il partira un jour. Et lui aussi souffrira. Alors sois prudente. » Stéphanie ne dit rien. Dès le lendemain, elle est à nouveau au milieu des pensionnaires du château. Mais désormais, entre Norbert et elle, un contact nouveau s'est établi. Le docteur Matouret remarque que le garçon semble moins agité quand Stéphanie est présente jusqu'au jour où des cris se répercutent dans les couloirs du château. « Vite, vite, venez ! Norbert vient d'attaquer Stéphanie !» Deux infirmiers se saisissent de Norbert, ils le maîtrisent. Stéphanie, le visage tuméfié, est tombée sur le carrelage du couloir. Elle regarde son protégé avec un étonnement indicible. Enfin, Stéphanie, que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Mais je n'y comprends rien. Je passais à côté de lui, et soudain, il m'a envoyé un coup de poing en pleine figure. Il disait des choses que je n'ai pas comprises. Il avait l'air très en colère, comme si je lui avais fait quelque chose. Mais j'ignore absolument quoi. Dans les jours qui suivent, on essaie d'analyser le comportement de Norbert. Il marmonne quelque chose comme « Stéphanie méchante partir ». Mais que veut-il dire ? Désire-t-il que Stéphanie quitte le château ? Impossible d'en savoir plus. On finit par oublier l'incident car Norbert change d'attitude. À nouveau, il considère Stéphanie avec la passion muette qui était la sienne au cours des derniers mois. Elle avoue à sa mère « Je suis rassuré, j'ai retrouvé le beau regard de Norbert, j'ai retrouvé les deux oiseaux magnifiques prisonniers dans leur cage. Je ne saurai sans doute jamais ce qu'il avait à me reprocher. Peut-être y a-t-il eu un malentendu ? Peut-être a-t-il mal compris une phrase entendue par hasard ? Bah, tu vois comme les relations avec ces pauvres créatures sont difficiles et pleines d'embûches. Quand je pense que tu te demandais si l'on pouvait faire sa vie avec lui. » Mais Stéphanie a d'autres occasions de rencontrer Norbert. À chaque fois, elle ressent une impression d'angoisse vague. Mais elle sourit. Et Norbert lui adresse quelques mots. Elle n'en comprend pas le sens, mais le sentiment qui anime le garçon est celui d'une affection certaine. Un soir, Stéphanie rentre chez sa mère et raconte « Figure-toi qu'aujourd'hui, quand j'ai croisé Norbert, il s'est jeté sur moi encore. Oh non, non, cette fois, il m'a embrassé avec une sorte de passion. Je ne savais pas comment réagir. » Le plus curieux, c'est qu'il disait exactement la même chose que le jour où il m'a envoyé le coup de poing. Stéphanie méchante partir. Et il me serrait comme il pouvait entre ses bras. Sous le coup de l'émotion, il n'arrivait pas à maîtriser ses mouvements convulsifs. Je me demande d'où lui vient cette idée fixe. Stéphanie méchante partir. Je n'ai aucune intention de partir. C'est curieux, tu ne trouves pas ? Madame Desbarieux ne sait que répondre. Oui, c'est vraiment bizarre. Et surtout qu'il garde les mêmes mots avec deux réactions totalement opposées. Un jour il te frappe, un jour il t'embrasse. Décidément, ces enfants sont pleins de mystères. Une semaine plus tard, le docteur Matouret et presque toute l'équipe du château entourent Madame Desbarieux, toute vêtue de noir. Elle contemple le cercueil de sa chère Stéphanie au moment où on le fait glisser dans la tombe familiale. Norbert est là, lui aussi, et il ne parvient à maîtriser ni ses larmes, ni les mouvements convulsifs qui secouent ses bras et ses jambes. Et il marmonne avec de gros sanglots la même phrase. Stéphanie, méchante, partir. Le docteur Matouret murmure à l'oreille de la surveillante-chef. Norbert a peut-être été le seul d'entre nous à pressentir ce qui allait se passer. Qui aurait pu prévoir que Stéphanie allait se faire tuer par un chauffard ivre-mort juste au moment où elle sortait du château ? À 24 ans, quelle misère ! Je ne crois pas que nous arriverons à la remplacer.